Lorsque survient un décès, il est très important de faire affaire avec des gens de confiance. La Maison funéraire Hébert et fils comblera vos attentes dans le plus grand respect et selon vos attentes. Hébert et fils, une entreprise 100% locale, établie depuis plusieurs décennies dans le milieu. Hébert et fils, 2355 Boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1411. Toute notre équipe souhaite une bonne saison à tous les golfeurs et est très heureuse de faire partie de la chronique du président du club de golf de Dolbeau-Mistassini, Raymond Lavoie. Pour parler de golf avec notre ami Raymond Lavoie, cette chronique est une commandite d'Hébert et fils. Salut Raymond! Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien. Raymond, qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait longtemps qu'on a une semaine ou deux qu'on n'a pas eu de chronique. Les dernières semaines, comment ça a été le tournoi finalement, Colombe-Veilleux? Est-ce que ça a été positif? Ça a été très positif. Ça a été une très, très bonne journée pour le club. Ils ont eu de la belle température. Malheureusement, je n'étais pas présent à ce moment-là, mais j'ai vu les retombées de la journée. C'était excellent. OK. Comment qu'il y avait à peu près de monde? Tu sais-tu à peu près? Il y avait 158 joueurs. Ah, c'est bon. C'est un des tournois qui marche le mieux, hein? Bon, c'est le plus gros tournoi de la saison. Faut se rendre à l'évidence, là. OK, OK. Mais c'est très, très bon pour le club. OK. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de la dernière fin de semaine? C'était la semaine de la fin du travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été quand même assez tranquille? Non, mais on a eu une bonne fin de semaine. On a eu un petit peu de beau temps, ce qui fait que ça a été très bon. Il n'y avait rien de spécial, là. Mais on a eu beaucoup de grilles filles, comme on dit, là, de personnes de l'extérieur. Puis c'était très agréable au club. OK. Qu'est-ce qui s'en vient en fin de semaine? En fin de semaine prochaine, il n'y a rien de spécial. OK. C'est la prochaine activité, c'est le match play régional. Ouais. En fin de semaine, pas en fin de semaine, mais l'autre fin de semaine, c'est la fin de semaine le 16, c'est le tournoi Jean Lemieux. Oui. Un des gros tournois ici au club aussi, là. Okay. Fait que on s'en va vers là. OK. Ben je vais te laisser parce que t'as pas beaucoup de temps, donc on se rappelle la semaine prochaine. Pas de problème, Danny. Et on rappelle que cette chronique est une commandite de la maison funéraire Hébert et fils.